Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, à l'émission, j'ai pour vous Cosmos de Suisse, Kayak des Pays-Bas, Evership des États-Unis, Life Signs d'Angleterre, Quatre de Turquie, DADKM de Pologne, Rheinstolt de Suède, DXPUS d'Angleterre. Et aujourd'hui, le quatrième segment de l'émission est consacré au prog de l'année 1970 avec en fait une distribution toute britannique avec Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Jethro Tull et Gentle Giant. Mais auparavant, on va débuter avec Cosmos, une formation qui nous vient de la Suisse et dont l'œuvre complète comporte trois albums qui sont parus entre 1994 et 2012. Et la pièce que j'ai choisie s'intitule Sequences. C'est tiré du troisième album Mind Games. Ensuite, on va aller du côté des Pays-Bas avec Out of This World, la pièce titre du nouvel album de Kayak paru en mai dernier. Et on va conclure avec une nouveauté qui nous vient des États-Unis. Il s'agit du groupe Evership qui vient de faire paraître son troisième opus intitulé The Uncrowned King, duquel j'ai extrait la pièce de Pilgrimage. Alors on y va tout de suite avec Cosmos. Thank you. years have gone when the sun never rises, and ungodly devices are dictating the words to the song. There's a different kind of war going on, under wraps and disguises. We're running from crisis to crisis. We're here but we'll never be long. So let's get out of this world and be free as a bird. Why can't we get out of this world and fly to a place we could live in? Thank you. perfect traveler at his journey's end falls before the gate of truth. To enter it, all he's labored for, yet standing there, barring door, is one wide as flowing clouds, and a voice like a breeze, and a face he should know. It's the keeper of truth, and he says, I am. Appointed one, may I enter in? I paid the price and fulfilled the law. I've left behind all that's dear to man. My opinion slain and denied, honors rightly earned by them. Let the Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je vous rappelle qu'avant la pause, vous avez entendu le groupe américain Evership et qui a été précédé du groupe néerlandais Kayak. Et en début de bloc, on avait la formation suisse Cosmos. On va débuter le deuxième segment d'émission sous le thème du néo-prog avec la pièce Last One Home, tirée du troisième et dernier album du groupe britannique Life Signs. Ensuite, on va entendre le groupe italien Il Buco del Baco, formé en 1970, mais dont l'album n'est paru que cette année. L'album s'intitule Il Segno della la Moreda et on va entendre la pièce Nel Regno delle Lamprede. Dans la même sonorité, j'ai ajouté la chanson Underwater World, tirée de l'album Encounters, produit par la formation turque Katri. Et ensuite, on va conclure avec une nouveauté qui nous vient de la Pologne. Il s'agit du groupe ADKM, qui vient de faire paraître The Great Lie, leur quatrième album studio, et dont j'ai extrait la pièce Fool and Death. Mais auparavant, on y va avec Life Signs. No longer sail. She feels as if she's dreaming. She looks into the gale. For all the boats are counted, but there's one that's still away. The only sound is water all around. A wall of sea surrounds him, confronting all his fears. The seething mass sustained him, a friend for all these years. Now the tide is turning, he can feel the undertow. The only sound is water. Piedi si apre un abisso, pesce un martello per te un chiodo fisso, dimmi che è tutto difficile se il pesce ombra mi segue, perché, perché? Pesce pettine mi segue anche egli, lui vuole darmi dei buoni consigli, non serve a niente nemmeno più a quello, ora che ho un diavolo io per capello, pesce pagliaccio fa il serio una volta, inciampo su un titolo, ho preso una storta, ora tu pure qui ridi di me, ed il motivo non so io qual è, non so qual è. Sono alle porte di un grande palazzo, tutto è serrato, non so come entrare. Fermo passante, il pesce trombetta, fammi un favore, tu devi suonare, non voglio metterti fretta. Pesce balestra, mi hai preso di mira, io non capisco che succede ora, tu pesce palla, continua a giocare, io sono l'uomo sul fondo del mare, non mi giudicare, adesso si schiude un portone bivalve. Mi manca il coraggio però per entrare. Laggiù c'è qualcuno, io spero mi veda. Scuoto le braccia, la vedo. E la grande lampreda. Capire le non mamma ma Yeah. De Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Avant de débuter le troisième bloc de l'émission, j'aimerais rappeler aux auditeurs que vous pouvez trouver toute l'information concernant la musique qui est diffusée lors de l'émission sur la page Facebook de Rock de Neurones. Alors, pour débuter le troisième segment, j'aimerais vous proposer une pièce de Roy Stolt, le leader du groupe suédois The Flower Kings, qui mène aussi une carrière solo en parallèle. Et sa discographie comporte quand même 8 albums studio. Et la pièce que j'ai choisie pour vous, bien, c'est The Observer. Et c'est tiré de l'avant-dernier album paru en 2005, Wall Street Voodoo. Ensuite, pour rester dans le même mood, je fais un lien avec The Expus. Ça, c'est une formation britannique qui a été surtout active entre 2008 et 2011, avec une production de 2 albums studio. Et ensuite, on va conclure avec Bird of Prey. Ça, c'est le légendaire groupe Deep Purple qui a sorti en 2017 le très bon album Infinite, et duquel j'ai extrait cette chanson. Alors, auparavant, on va y aller toutefois avec Roy Stolt. Yeah. unsure if it's part of a wicked master plan. But I'm getting out of here before the shit hits the fan. That's right. Them little greedy hands pile up another cold stash. What else could they do? It's in the weakness of man, I guess, but that's no consolation. this threat. And the alternative truth from any dissident. Any questions asked that will start you thinking? It's the first of steps in the world in making. I'm an angel in disguise, watching this world. I'm a weary wanderer who's seen too much. The world has turned its back on God. For pride and profit and deranged obsessions. Chains provide sticks and stones. See those haunting images just keep coming back. We see the kids of Africa just skin and bone. The devil dogs select a major target. Now panic spread, we fear the next attack. Scapegoat soon and start firing back. I'm an angel in disgust, and I'm watching your world. I'm a weary wanderer and a tortured soul. Just one of the helpless who watch this chaos. Freedom. They're gonna hunt down the lost and Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Comme je l'ai mentionné au début de l'émission, le quatrième segment de Rock de Neurones est maintenant consacré à un thème précis. Et cette semaine, c'est dédié à la musique de l'année 1970. On peut dire que ça a été une année marquante pour le rock progressif. On a vu des groupes majeurs faire leur apparition, là, comme Emerson, Lake and Palmer, Gentle Giant, Van der Graaf Generator, Caravan, Egg et beaucoup, beaucoup d'autres. Mais pour refléter la musique de 1970, j'ai choisi des extraits d'albums très appréciés à l'époque, dont l'album homonyme d'Emerson, Lake and Palmer. J'ai Trespass de Genesis, Benefit de Gentle Giant et l'album homonyme de Gentle Giant. Thank you.

We'll be right back. Thank you.